Salut à toi, j'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va bien. J'ai passé une bonne journée à la plage. Je suis dans le sud de la France et j'en profite pour te faire une petite vidéo pour te donner les trois questions à poser lors de tes visites pour être sûr d'avoir en face de toi le bon vendeur. Mais avant de démarrer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation en ligne, l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour passer au niveau supérieur quand tu vas faire des visites pour tes futurs investissements immobiliers. En effet, souvent, je pense que tu es comme tout le monde, on ne pense pas trop poser des questions, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est de l'indiscrétion, qu'est-ce qu'on a le droit de poser comme question, même à l'agent immobilier. C'est encore plus difficile avec le vendeur. Est-ce que je peux lui poser une question? Est-ce que je peux lui dire qu'il est pressé? Est-ce que je peux lui dire depuis combien de temps il a acheté? Combien il a acheté? On va répondre à tout ça et je vais te donner les trois questions obligatoires à poser lors d'une visite immobilière. Question numéro 1. Depuis quand le vendeur a l'appartement? En effet, si par exemple la réponse est il a depuis 2-3 ans, tu sais que tu vas avoir du mal à faire une négociation. Surtout là, on est en 2018, donc en 2018, tu vas quand même avoir du mal à faire une négociation parce que ça voudra dire qu'il a acheté à un prix assez haut, qu'il a dû prendre sûrement un crédit. Et donc en fait, il vient juste de finir de payer les frais de notaire. Donc, même avec un immobilier qui va prendre 2, 3, 4, 5% et encore, tu vas pas pouvoir négocier grand-chose parce qu'il va déjà devoir rembourser une somme importante d'argent à la banque. Maintenant, s'il commence à te dire ça fait 10 ans, 15 ans qu'il a son bien, là tu vas pouvoir te dire voilà, il a remboursé une grande somme d'argent. Donc le reste, ça va dépendre peut-être du fait qu'il soit pressé ou pas, mais il va pouvoir potentiellement négocier. Attention, ça ne marche pas à tous les coups. Là, c'est les questions type pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'aller faire une négoce ou est-ce que tu sais que c'est presque mort. Quelqu'un qui a acheté il y a moins de 2 ans, en gros, je déconseille presque d'y aller si tu n'es pas du tout dans ta rentabilité. Je rappelle, des fois, je te dis que tu peux aller faire des visites sur les appartements qui ne sont pas forcément rentables sur le bon coin quand tu lis l'annonce, mais dans lesquels, si avec une grosse négociation, une négociation agressive, tu vas pouvoir rendre le bien rentable. Là, pour des appartements où le vendeur vient acheter le bien et pour sûrement un accident de vie, un changement, peut-être une mutation, il est obligé de le vendre. En fait, il ne va pas pouvoir te le vendre moins cher que le prix qu'il a acheté il y a 2 ans. Donc, ce genre de négociation, normalement, elle va être très, très difficile et je te déconseille de perdre trop de temps avec ce genre de vendeur. Pour moi, ce n'est pas du tout le bon vendeur. Par contre, le vendeur qui a l'appartement depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, là, tu sais qu'en fait, en gros, il n'a plus d'argent à payer à la banque. Donc, tout ce qui va rentrer, ça va être pour lui. Et là, tu sais que tu vas pouvoir faire une grosse négociation potentiellement. Parce qu'il va voir directement que ça va rentrer dans sa poche et qu'il n'aura rien à rendre. Donc entre 150 000 euros, 145 000 euros, d'une certaine manière, lui, c'est que 5 000 euros. Et qu'à la fin, il aura quand même 145 000 euros. Donc là, tu vas aller vers le bon vendeur, celui qui va avoir déjà payé tout son crédit et qui va potentiellement pouvoir descendre un peu le prix parce qu'il sait qu'il a déjà fait une grosse plus-value, parce qu'il a acheté il y a 20 ans. Donc il a déjà fait une belle opération, même avec 10 000 euros de moins. La question numéro 2. Tu vas oser la poser, que ce soit au vendeur ou à l'agent immobilier, et tu vas juste demander pourquoi il vend. Ça peut être pour une raison de divorce, de décès, de mutation. Donc, par rapport à tout ça, ça va te donner les indices pour savoir s'il est pressé potentiellement de vendre ou s'il a le temps, si c'est vraiment son choix ou si c'est quelque chose qu'il a fait de manière obligatoire. Par exemple, s'il a un problème d'argent, s'il est tombé au chômage, s'il a divorcé. S'il a eu un décès dans sa famille, si l'appartement lui-même, la personne qui y habitait en fait, est décédée, et donc c'est les héritiers qui sont en train de revendre l'appartement, tout ça va te permettre de savoir si tu as un bon vendeur en face de toi avec lequel tu vas pouvoir attaquer une bonne négociation. Donc on ose poser la question, pourquoi est-ce que vous vendez? La troisième question à se poser pour savoir si on a un bon vendeur, c'est assez simple, c'est est-ce qu'il est pressé, réellement pressé? Et ça, par rapport à ça, c'est assez simple, tu poses une question. Une petite astuce, tu vas lui demander est-ce que vous acceptez une vente longue? Et si le vendeur il te dit oui sans problème, là ça va être difficile de négocier parce que ça veut dire qu'il n'est pas du tout pressé pour vendre et donc il n'est pas prêt encore dans sa tête à baisser son prix. Potentiellement, d'ici 2, 3 mois, il pourrait changer un petit peu d'état d'esprit, mais pour l'instant, il risque de baisser de carrément zéro. Selon la zone où tu vas te trouver, il va même pas vouloir baisser de 1 000 euros. Donc, par contre, s'il te dit non, je veux pas, je suis pressé parce que j'ai une mobilité, parce que je veux me débarrasser de cette succession, etc. Là, tu sais que tu as trouvé le bon vendeur et que tu vas pouvoir l'accrocher pour faire une grosse négociation. Résumons les trois questions à absolument oser poser au vendeur lors des visites. La première, depuis quand il a acheté le bien? La deuxième, pourquoi est-ce qu'il vend? Et la troisième, est-ce qu'il est pressé de vendre en lui proposant par exemple une vente longue durée? Bien évidemment, tu n'iras pas forcément sur une vente longue, mais en tout cas, ça te permettra de savoir s'il est pressé ou pas. Si tu as aimé cette courte vidéo où je te donne les astuces à mettre en place dès demain dans tes prochaines visites, mets-moi un gros like. Partage cette vidéo à des amis qui peuvent être intéressés par l'investissement immobilier. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Tout cela me permet de monter dans les moteurs de recherche et de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. D'ici là, je te dis, passe à l'action, kiffe, ciao, ciao!